Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Architecture et Utopie, une série de Camille Jusa réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a une part de rêve dans la façon de dessiner la ville, la maison, voire la prison, et d'imaginer des lieux de privation de liberté qui, paradoxalement, rendraient les hommes meilleurs. L'utopie poussée dans ses derniers retranchements. Alors pour commencer, les personnages. Un géographe, une historienne, un gardien, un architecte, un ancien détenu qui a tout compris, des prisonniers qui gardent la porte ouverte et l'ombre de Michel Foucault. Ensuite, le décor. Fleury Mérogis, des sas et des barreaux, des structures en étoiles, des ficelles et des yo-yos, des lieux violents, des parloirs, des salles de classe, Tahiti, des rues, des places et des plantes vertes. Aujourd'hui, dernier épisode, on passe les portiques de sécurité. Les informations arrivent à 8h. En gros, à la Révolution française, les révolutionnaires essayent d'imaginer une prison qui est à la fois humaine et punitive. Donc il y a un grand révolutionnaire, le Pelletier de Saint-Fargeau, qui promeut cette invention de la prison. Et il dit on va graduer la prison en fonction du temps. Donc plus le délit ou le crime est grave, plus le temps sera long. Donc vous voyez, c'est pas une pensée spatiale a priori. Sauf que il imagine très vite une prison qui doit être à la fois humaine, au sens où elle doit s'éloigner du modèle de la torture, mais en même temps punitive. Et là-dessus, il joue sur l'espace, sur des détails très concrets. Par exemple, il dit l'une des plus grandes jouissances de l'homme, c'est de profiter de la lumière. Donc le cachot doit être obscur. Une des plus grandes jouissances de l'homme, c'est le commerce de ses semblables. Donc les détenus doivent être séparés les uns des autres. Il y a toute une réflexion très concrète sur quel type d'espace imaginer pour avoir une peine de ce type à la fois humaine et punitive, si vous voulez. On est tout de suite dans ce paradoxe, et un paradoxe d'ailleurs qu'on n'a toujours pas réussi à résoudre, dans la mesure où on cherche à séparer des gens pour les réinsérer. Et c'est vraiment le principe, et vraiment d'un point de vue purement architectural, on essaye de faire les deux, c'est-à-dire on va multiplier les murs pour séparer, et par-dessus on va multiplier les dispositifs pour, si l'on peut dire, casser les murs, donc réintroduire de l'éducation, de la médecine, des liens familiaux, etc., alors même que les murs sont censés casser quelque part ces liens, ou en tout cas les limiter très nettement. Merci. Vous pouvez passer. Allez-y. On va sonner de partout. Dessine-moi une prison, Camille Jusa, Guillaume Baldi. Merci. Fleury Mérogis, printemps 2017. Taux d'occupation 180%. 6 gardiens viennent d'être agressés, les surveillants décident de bloquer l'établissement. C'est la plus grosse prison d'Europe, à un ancien fleuron national, une prison modèle, ouverte en 1968. Baies vitrées, système électronique, interphone dans les cellules, la mégastructure devait régler tous les problèmes de la prison. Depuis son ouverture pourtant, on ne fait que déchanter. Prison modèle, on pourrait penser à une plaisanterie de mauvais goût. Pourtant, la question de l'utopie traverse la question carcérale depuis ses débuts. Qu'est-ce qu'une prison idéale pour permettre à celui que l'on punit de s'amender ? Nous avons passé nos sacs au scanner, laissé nos portables dans des consignes, et déjà nous avions franchi 4 grilles. Nous voulions voir l'utopie de près, celle des années 70, la plus démesurée, avec ses milliers de détenus. La vision et le gigantisme des Trente Glorieuses, appliqué à la prison du 19e siècle. Nous demandait aussi quelles améliorations étaient en cours et comment on dessine les prisons aujourd'hui. Si l'utopie s'était déplacée, et vers où? allait arpenter les lieux donc pour tâcher de comprendre quelle solution trouver à ces différentes injonctions, surveiller, punir, amender. Mais en prison, on n'y voit rien d'autre que la grille suivante. Impossible de reconstituer un plan, c'est fait exprès. Alors, on nous a escortés dans Fleury, et pour commencer en haut d'un petit escalier, pour embrasser d'un seul regard toute la prison, cette marée de barres en étoiles, toutes reliées à un rond-point central. Elsa Besson, historienne de l'architecture. L'idée, c'est vraiment de reprendre un principe de l'architecture carcérale qui est développé dès le début du 19e siècle, et notamment aux États-Unis avec l'exemple de la prison de Philadelphie. L'idée, c'est d'avoir un ensemble de bâtiments qui fonctionnent à partir d'un cœur. Ce qui est neuf, c'est effectivement, je pense, la multiplication de ce principe radial avec 5 ensembles de bâtiments, donc des tripales. Donc il y a vraiment l'idée de cette fragmentation, je pense, qui est vraiment ici nouvelle. Effectivement, pour les prisons plus anciennes, la surveillance se fait à l'échelle humaine. C'est l'œil du surveillant qui permet de gérer et de contrôler l'espace de détention. À l'époque où Guillaume Gillet, donc l'architecte à l'origine de Fleury-Mérogis, dessine et commence à construire ce bâtiment-là, on est dans une époque où les moyens de contrôle électronique, via une centralisation de l'ouverture des portes, via l'utilisation des caméras de surveillance, va vraiment permettre d'associer dans cette cité pénitentiaire des milliers de détenus. Alors, du côté de l'administration pénitentiaire et du côté politique, effectivement, Fleury-Mérogis est reçue comme une prison modèle parce qu'elle permet justement l'association de milliers de détenus et donc effectivement une baisse des coûts de construction, une baisse aussi des coûts de gestion puisqu'il y a besoin de moins de surveillants et de personnel. Mais très vite, le modèle donc utopique à l'origine devient rapidement un contre-modèle du fait du gigantisme, en fait, qui est finalement à la fois une solution et puis très rapidement un problème, mais lié à la surpopulation notamment. Alors ce matin, effectivement, nous avions donc 4308 détenus pour 2937 places théoriques. Bon, vous nous emmenez en visite ? Alors on va vous emmener en visite donc sur un bâtiment qui sera donc le bâtiment D1. Bâtiment des hommes. C'est vrai que parler d'utopie carcérale peut sembler paradoxal, mais il y a eu vraiment depuis le 19e siècle l'idée de prison modèle. Là actuellement on est à Paris, pas très loin de là où nous parlons, il y a la prison de la Santé dans le 14e arrondissement de Paris, donc construite dans la deuxième moitié du 19e siècle. Olivier Millot, géographe. Et c'était présenté comme vraiment une prison modèle. Et cette idée-là, donc, on va la retrouver à la fin du 19e siècle avec la prison de Fresnes, on va la retrouver encore tout au cours du 20e siècle, réinventée pour Fleury-Mérogis en 1968, pareil, on est là encore dans cette idée de la prison modèle, et vous allez avoir, en gros, dans la décennie 1970, dans la décennie 1980, là encore, deux groupes de travail qui vont essayer d'imaginer des prisons modèles. Donc, il y en a une à Mozac, dans le sud-ouest français, 1986. Là encore, présentée comme une prison modèle. Et vous avez le livre récent de Grégory Salles qui s'appelle « L'utopie carcérale ». Et ce qu'il y a de très intéressant dans sa petite histoire des prisons modèles, comme dit son sous-titre, c'est qu'il fait un tour du monde. C'est-à-dire, c'est pas du tout spécifique à la France, hein. Vraiment, il nous emmène en Russie, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Et partout, on retrouve cette idée de, très paradoxale, d'utopie carcérale où, la forme architecturale va réussir là où, a priori, jusqu'à présent, on a échoué. On devrait logiquement se dire, écoutez, c'est impossible, mais on va investir dans l'architecture en disant, mais peut-être qu'on n'a pas trouvé la bonne architecture qui, elle, va permettre de tout concilier. Le long du bâtiment D1, il y en a 5, des centaines de cellules, sur les fenêtres desquelles on a apposé des grilles extérieures, en plus des barreaux. On devine à peine quelques silhouettes. Et il y a bien sûr ces ficelles, les yo-yos, qui permettent aux détenus des échanges de cellule à cellule. En 2000, Véronique Vasseur, médecin-chef à la prison de la Santé, dénonçait violemment l'état d'insalubrité des prisons. Tollé général, mais l'administration pénitentiaire lance alors un grand plan de rénovation de ces établissements. À Fleury-Mérogis, la rénovation s'achève, 17 ans plus tard. Au rez-de-chaussée, sas, grilles et enfin le PC central, une sorte de cockpit blindé, un aquarium où l'on manœuvre les serrures à distance. Ici, tout se fait par hygiaphone ou interphone interposé. Trois immenses couloirs scindés encore par des grilles et un poste de surveillance à mi-parcours. Ici, une seule obsession, voir. Elsa Besson, on est en fait dans un dispositif qu'on retrouve dans pas mal de prisons, qui est un dispositif un peu panoptique, avec ce surveillant au milieu du bâtiment, qui surveille plusieurs ailes, c'est ça ? Donc, l'architecte de Fleury-Mérogis a réutilisé une technique utilisée déjà dans des prisons, et notamment la maison centrale de Beaulieu, construite au milieu du 19e siècle par Arou Romain. L'idée, c'est d'avoir en fait un couloir central qui dessert les cellules de part et d'autre. Donc ça, c'est un dispositif classique, mais en opérant en fait une inclinaison de l'aile légère pour en fait avoir cet effet optique et cette accentuation en fait de la perspective qui permet d'avoir une vue en perspective beaucoup plus forte. Et puis on imagine aussi que si c'était vraiment un couloir avec deux murs parallèles, tout au bout, on ne verrait pas les portes des cellules. Alors non. Que là, comme c'est un petit peu convergent vers le bout, en fait, on voit quand même toutes les portes des cellules et on imagine que ça a aussi une fonction de sécurité et de surveillance. Oui, tout à fait. Tout le monde parle du panoptique de Bantam, qui est, alors pour expliquer le dispositif, c'est une tour centrale à l'intérieur de laquelle il y a un ou plusieurs surveillants. Et les détenus sont répartis tout autour dans un bâtiment circulaire avec des grilles ou des fenêtres de chaque côté. Et donc, depuis la tour centrale, le surveillant peut voir la silhouette des détenus en permanence. Et il y a un système de jalousie, si vous voulez, qui va cacher la présence du surveillant au détenu. Donc le détenu ne sait pas si le surveillant est là, ne sait pas si le surveillant le regarde, ne sait pas s'il est en train d'être surveillé. C'est Michel Foucault, dans Surveiller et punir, qui en a fait tout un chapitre en parlant d'une cage cruelle et savante, en disant c'est un dispositif incroyable, puisque le détenu devient lui-même porteur de cette relation de pouvoir. Alors, ça a été vraiment... Michel Foucault en a fait un commentaire très éblouissant qui s'intéresse à ces relations de surveillance et que l'on va internaliser. Cette idée du panoptisme, de tout voir en permanence, reste présente, et notamment la multiplication des caméras est très nette. Même si, quand on fait des enquêtes auprès des surveillants, il y a trop de petits écrans, ils ne peuvent pas tout voir. Bon, déjà, les caméras ne couvrent pas tout, et même si elles couvraient tout, on n'aurait jamais assez de personnel pour surveiller constamment tous ces petits écrans et toutes ces visibilités. Donc il y a là encore un peu un aspect utopique de... quelque part, on arrivera à tout voir et tout surveiller, et si on arrive à tout voir et tout surveiller, vous verrez que ça va tout résoudre. On vient d'entrer dans une cellule. Vous nous avez fait ouvrir une cellule qui a été vidée ce matin. On voit qu'il y a un lit superposé dans cette cellule. Donc deux places pour deux détenus. Et puis un petit mobilier intégré avec un petit point d'eau. Ce qu'on pourrait être appelé un bureau avec deux chaises. Quelques casiers pour ranger des affaires. Et puis dans un coin aussi séparé. Des toilettes et une petite douche. Hein. Puis c'est en effet isolé du reste de la cellule. Combien de mètres carrés ? 9 mètres carrés. Elsa Besson, Là, on rentre et de toutes les façons, il y a un lit superposé. Donc la messe est dite. Effectivement, l'utopie d'un enfermement individuel en maison d'arrêt, en tout cas, n'a jamais abouti. Cet objectif-là est aujourd'hui défendu pour des questions de dignité et pas pour des questions punitives telles que c'était en place auparavant. Et aujourd'hui, notamment les programmes de construction des prisons sont envisagés pour régler ce problème-là. Oui, et ils l'ont toujours été. En fait, les programmes successifs de construction de nouvelles prisons ont toujours avancé l'argument qu'on allait enfin appliquer cette idée de l'encellulement individuel. Mais on a vu, hein, et l'histoire se répète, que la construction de nouvelles prisons n'a jamais stoppé cette surpopulation carcérale. Mais plus on construit, plus on incarcère. Mais en tout cas, c'est ce que l'histoire a prouvé jusqu'à présent. Peut-être la première chose qui frappe, hein, pour moi qui ne suis pas habituée, c'est évidemment la fenêtre est ouverte, qu'elle donne sur un terrain de foot. Donc, mais il y a entre nous et le terrain de foot à l'extérieur des premiers barreaux d'à peu près 10 cm, puis après un grillage avec beaucoup plus serré, une sorte de petite allée, et ensuite de nouveau un très haut grillage avec des presque barbelés, des barbelés, et une caméra de vidéosurveillance. En fait, une des innovations auxquelles tenait beaucoup Guillaume Gillet et son agence au moment de la construction, donc il a construit une dizaine de prisons, en fait, Fleury-Mérogis, c'est une des dernières. Et l'idée, c'était de n'avoir aucun barreau pour les parties fixes des fenêtres. Donc toutes les menuiseries fixes étaient composées d'un verre, en fait, appelé infranchissable, ingassable, pour en fait pas avoir la sensation de ces barreaux qui empêchent la vue, enfin en tout cas qui la limitent. Et les parties qui étaient ouvrantes étaient uniquement fermées avec des barreaux à l'horizontale, parce qu'il estimait que c'était moins visuellement dérangeant d'avoir des barreaux à l'horizontale que le regard pouvait filer. Et là, on se rend bien compte que tout est recouvert de barreaux et pas simplement des barreaux à l'horizontale, mais aussi à la verticale, qui limitent encore plus la vue. Les vraies limites de toutes les innovations qui ont été proposées, et pour beaucoup qui ont été refusées, c'est que l'impératif de sécurité, en fait, prend le pas sur tous les autres impératifs. C'est une cellule qui vient d'être rénovée, c'est ça ? Elle a été rénovée. Aline Fouque. Voilà, tout à fait, dans le cadre du plan de rénovation. Directrice de l'infrastructure. Et donc les ajouts non négligeables sont effectivement le point douche, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les douches auparavant donc, étaient collectives, hein, avec tous les désagréments que cela a pu engendrer. Il y a eu effectivement aussi des ajouts donc, de prises électriques, hein, puisqu'un détenu peut avoir en cellule une plaque chauffante et un frigo. Et c'est possible de faire de voir si l'interphone fonctionne ? Bonjour, c'était pour un essai à l'interphone. Il est raccroché. Non. Milieu. Ok. J'ai un coup de poing qui est déclenché dans la nuit. À la question, s'évade-t-on de Fleury, nos guides s'esclaffent. Bien sûr, il y a de nombreuses tentatives. Et des réussites ? Deux, nous glissons. Alors, il y a ce gigantisme froid, la résonance due aux matériaux durs, les haut-parleurs qui saturent. Il y a aussi ces tentatives des architectes pour améliorer le quotidien. Mais rien n'y fait. Ce qui frappe, c'est que la prison soigne surtout son impératif premier, la garde. Tout semble avoir été mis en double ici. Sas, grilles, filins anti-hélicoptères, murs surmontés de rouleaux de fil barbelés, eux-mêmes agrémentés de lames de rasoir. Les escaliers sont grillagés, les fenêtres sont grillagées, les ateliers sont grillagés. Les parcours sont hachés menus. Et les détenus que nous croisons sont toujours à l'arrêt, patientes devant des vitres fumées, seules ou par petits groupes. C'est à la limite, j'ai envie de dire, le décor, on s'en fout. Le truc principal, c'est la question de l'enfermement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'enfermement ? De mettre... Deux personnes, trois personnes, quatre personnes dans 9 mètres carrés, où on est complètement déresponsabilisé, infantilisé, réduit à un mouton qu'on traîne, puisqu'on n'a strictement aucune initiative, et bien évidemment encore moins celle d'ouvrir la porte. Alain Cangina, il y a une dizaine d'années, vous avez été condamné à une peine d'emprisonnement. Vous avez été condamné à 4 ans. Comment ça s'est, 6 ans, comment ça s'est passé votre premier, dans le premier établissement où vous êtes arrivé? À quoi ça ressemblait? C'était où? À l'enfer. Voilà, on parlait souvent de l'enfer comme ça, de manière allégorique. Là, j'ai connu le réel. C'était où? Perrache. Donc, effectivement, c'était une maison pourrie. Avec les murs qui se déchaussaient, avec des rats, avec des cafards, avec des sourires, avec tout ce qu'on imagine, quoi. Voilà, le sordide, le Zola. Comme j'étais à Perrache, il y a eu le déménagement dans les fameuses nouvelles prisons à Corba, et on a été déménagé, enchaîné deux par deux, avec 250 000 flics, 3 hélicoptères, enfin, tout le cinéma qu'ils font, parce qu'effectivement... Vous avez connu le déménagement d'une très très vieille et vétuste prison à une prison toute neuve. Voilà, exactement. On a quitté une maison pourrie pour arriver dans une maison pourrie. Ah ben on était tous contents, on s'est dit enfin on va quitter l'insalubrité, on va retrouver un truc vachement bien, en plus on aura la douche dans la cellule, au lieu que ça soit 3 fois par semaine, ça sera quand on voudra. Et après 2 jours de Corban, on voulait tous repartir à Perrache. Malgré les rats, malgré la petite fenêtre. Ah oui, on préférait les rats à l'inhumanité de ces nouvelles prisons, bien sûr. Pourquoi c'est inhumain? Bah, c'est inhumain parce que tout est électronique, il y a des caméras partout, les portes s'ouvrent automatiquement. Un simple exemple, à Perrache, quand on avait besoin d'aller à l'infirmerie, on y allait en 2 minutes et demie, en gros, en temps de parcours. Parce que bon, on pouvait s'arrêter comme ça dans les coursives à discuter, puis mettre 2 heures. Mais ça, c'était pour le plaisir. Tandis que à Corba, non, pour aller à l'infirmerie, le temps d'attendre que les portes s'ouvrent, soient fermes, etc., on met 3 quarts d'heure. Alors que c'est à peu près à 200 mètres du bâtiment où on était. Et pas question de discuter avec les copains, parce qu'il y a des caméras partout, il y a des haut-parleurs. Rentrez, tout ça. Voilà. Quelle influence ça avait justement ces caméras partout aussi sur les relations avec les surveillants? C'est pas tellement le fait qu'on soit sensible aux caméras, on s'en fout des caméras. Le problème, c'est qu'il y a un maton pour 80 cellules, avant qu'ils étaient 3 pour 30 cellules. Et donc, comme le mec, il joue pleinement son rôle de porte-clés, voilà, il a pas le temps d'ouvrir, parce qu'il y a un mec qui demande quelque chose, ou etc. Voilà. C'est l'isolement, et cet isolement est renforcé... entre guillemets, justement, par le fait que un mec pour 80 cellules, même s'il est Superman, il tient pas la route, quoi. C'est pas possible. Christopher d'Orangeville, vous êtes secrétaire général de la CGT pénitentiaire. Dans quel type d'établissement vous avez exercé votre métier de surveillant? En sortant de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, j'ai été muté en fait sur Moshokona, donc qui est un établissement qui est ouvert donc en 2005. C'est un établissement neuf, hein, contrairement à l'établissement où je suis maintenant affecté depuis 2015, qui est Valenciennes, qui est un établissement des années donc 70, donc un établissement un peu plus vieillissant. Et c'est deux établissements complètement différents. Les nouveaux établissements forcément nous paraissent alors certes plus beaux esthétiquement, mais beaucoup plus froids. On a beaucoup moins de liens entre surveillants, puisque forcément, alors sur Moshokona, c'est des étages fermés. Donc c'est-à-dire que celui de l'étage premier ne voit pas celui de l'étage 2, ni celui de l'étage 3. Donc on a un sentiment quand même d'être isolé, ce qui ne se trouve pas, par exemple, sur des établissements avec donc la coursive ouverte, comme à Fresnes, ou comme sur, par exemple, l'ancien établissement de l'île Los Sequedin, où j'ai pu effectuer mon stage. Vous savez, quand on gère un étage où on est le seul surveillant avec une centaine de détenus, forcément le fait de se sentir visible et pouvoir communiquer avec le collègue à un étage inférieur nous donne un sentiment de ne pas être isolé, ce qui n'est pas le cas sur des étages fermés, puisque forcément on est tout seul confronté à une centaine de détenus, et donc là forcément c'est tout de suite un sentiment d'insécurité qui est un peu plus grand. Centre pénitentiaire de Beauvais, livraison juin 2015. Merci. Les clés pour déposer vos affaires personnelles. Téléphone portable, clé USB, chargeur. Surtout. Ensuite, vous devrez mettre toutes vos tout ce qui est métallique dans un bas blanc dans le tunnel. Vous passerez sous le portique sans sonner. Récupérez vos affaires. Le badge, vous le positionnerez sur le boîtier noir près du tourniquet. Il y aura une lumière verte, vous aurez juste à pousser le tourniquet. Je vous ouvrirai la porte et ensuite au bâtiment administratif. Monsieur Lloyd vous attend. D'accord. En fait, ce que vous me dites, c'est que tout est automatique, là. Comment ? Tout est automatique, là. Y a personne. Ah oui, vous mettez, je vais appuyer sur le bouton, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. On sait qu'il y a des erreurs architecturales. Donc, logiquement, on pourrait imaginer qu'il y ait des architectures vertueuses. Et c'est vrai que l'administration essaye de concilier un peu l'inconciliable, c'est-à-dire imaginer une architecture vertueuse pour la surveillance. Donc, très concrètement, on avait auparavant des nefs, c'est-à-dire vous avez un bâtiment sur plusieurs étages et du rez-de-chaussée, vous pouvez voir tous les étages avec des coursives au premier, deuxième, troisième étage. C'est très sonore comme système, extrêmement sonore. Plus, il y avait aussi un effet de coûte et de temps perdu dans les escaliers, etc. Dans les années 1980-90, on lance un plan pour renoncer aux nefs et les surveillants s'aperçoivent qu'ils se retrouvent tout seuls dans un couloir. Donc maintenant, on essaye de réimaginer un système qui ressemble à une nef, mais qui soit moins sonore. Mais on va dire, attention, la prison, il faut qu'elle soit sûre, donc il faut des matériaux bien durs. Et les architectes disent, attention, si le matériau est dur, ben, ça va être très sonore, le son va rebondir, si l'on peut dire. Donc on va dire, oui, ben, trouver des matériaux qui soient solides et qui absorbent le son. Ils vont dire, oui, ben on peut mettre des matériaux mous extrêmement hauts pour essayer de limiter les dégradations. Bon, pourquoi pas. Puis après, on va dire, c'est important de voir de la végétation, parce que sinon, c'est très, très minéral, hein, les prisons. D'accord, le problème, c'est que imaginez qu'on mette des arbres et que ben, un détenu se réfugie dans un arbre. Ben, enfin, vous voyez, ça va ridiculiser les surveillants qui ne vont pas réussir à le faire descendre. Bon, ça va... Enfin, ça va décrédibiliser le pouvoir des surveillants. Donc, on va pas mettre d'arbres, on va mettre des végétations basses. Oui, mais dans les végétations basses, on peut cacher de la drogue, etc. Donc, maintenant, on a dit, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est on va faire des couloirs à l'extérieur qui sont grillagés. Et au-delà des couloirs, il y aura des pelouses ou de la végétation qui sera, cette végétation qui sera inaccessible aux détenus. Comme ça, il y aura un peu de végétation, mais pas trop. Et, si vous voulez, c'est très paradoxal, c'est-à-dire quelque part, il y a une réelle bonne volonté et de l'administration et des architectes de tenir compte des échecs des anciens programmes, mais en même temps, enfin, si vous voulez, on aboutit systématiquement à des apories. Quelque part, on espère que un jour peut-être on trouvera une architecture idéale, et en même temps, on va rajouter quantité de contraintes. Et se superpose à ce système, en fait, une hiérarchie dans les formes de sécurité, même dans les objectifs de la prison. C'est-à-dire, c'était un directeur de prison qui me disait, on a un impératif de sécurité et un objectif de réinsertion. Ils vont en promenade. Ils vont en promenade, là ? Par promenade, troisième, quatrième. On est à l'extrémisme du cartésianisme. Face au problème de la prison. Et on découpe tout ça par petits morceaux. Alors, on nous parle des activités, on nous parle de ceci, on nous parle des visites, on nous parle des aménagements de peine, on nous parle de ceci, on nous parle de cela. Mais c'est pipeau, ça sert à rien. Ça sert à rien sur une prison comme Corba. Il y a 750 mecs, une activité, c'est 10 personnes maximum pour des raisons de sécurité. Donc il y en a 10 qui vont en activité, il y en a 740 ou 730 qui restent coincés dans les cellules. Donc faut arrêter de nous bassiner. Il n'y a rien de plus qui m'énerve que de lire les articles dans ces journaux provinciaux où les mecs, ils n'ont jamais foutu les pieds dans une prison, qui racontent que voilà, les détenus, ils ont fait de la poésie, ou ils se sont évadés avec du sport, ou machin. Avec des titres un peu bidons. On est toujours en train de parler des arbres qui cachent la forêt et on ne peut pas aborder le problème de la prison de manière globale. Pour poser les choses clairement, parce que maintenant il est temps de les poser clairement, la prison c'est de la torture. Et ceux qui prétendent humaniser la torture, bien évidemment, sont dans la forfaiture. On ne peut pas humaniser la torture. Enfin, ça n'a pas de sens. Je vais te faire mal, mais plus délicatement. Tu auras mal pareil, mais ça sera plus délicat. Or, on arrive, à partir du moment où on punit, non pas à quelque chose d'éducatif, non pas à quelque chose d'expérimental, mais à un dressage. On dresse. Et donc là, il y a un homme, un grand homme, qui s'appelle Michel Foucault, qui a montré comment ça fonctionnait la prison, pourquoi on enfermait les gens, qu'est-ce qu'on protégeait en termes d'économie, etc. Donc il faut absolument relire Foucault. Mais non, mais Foucault, c'est démodé, etc. En fait, la prison est un scandale. Mais c'est un scandale qui se fait avec l'acquiescement de l'écrasante majorité de la population qui vole de la prison. Parce que à 98%, ils ont le gène du talion dans le sang, ils volent de la punition, et si possible de la punition qui va souffrir, et ils sont. Et c'est pour ça que la prison n'arrivera jamais à l'abattre. Parce que les gens la volent. Et c'est ça le premier point. Les gens, ils volent la prison. Marie-Lise Boustan, vous êtes la directrice générale de l'Agence pour l'immobilier de la justice, la PIJE. Qu'est-ce que c'est que la PIJE ? La PIJE, c'est l'opérateur immobilier du ministère de la Justice qui conduit pour son compte l'ensemble des projets neufs ou de forte réhabilitation de palais de justice et de centres pénitentiaires. Très concrètement, quel est aujourd'hui le volume que vous devez traiter ? Qu'est-ce que on est dans quelle phase en termes de construction pénitentiaire ? On construit beaucoup, on construit peu qu'est-ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui ? Depuis une dizaine d'années, peut-on dire, on a un volume important de construction pénitentiaire qui est régulièrement lancé pour assurer d'une part la résorption de la vétusté d'un patrimoine qui, pour une partie, date encore du 19e siècle, et puis pour d'autre part, on court devant la possibilité de réaliser la cellule individuelle. Donc aujourd'hui, nous avons là, une quarantaine d'opérations en cours, à la fois celles qui ont été commandées il y a quelques années, puisqu'une opération d'investissement se déroule plutôt sur un délai de 6 à 8 ans à partir de la prise de décision, et puis nous avons aussi en perspective le programme 15 000 places qui se prépare et qui est en train de se monter. Nous sommes allés plus loin dans nos réflexions, et notamment à la PIJE, en se disant que les surfaces supplémentaires ne suffisaient pas. Il fallait aussi travailler sur la qualité architecturale des locaux, parce qu'il faut recréer sans doute pour préparer à la sortie aussi un environnement construit qui le favorise. Donc vous pouvez mettre des surfaces de locaux, mais si vous travaillez pas sur la lumière, si vous travaillez pas sur les cheminements, si vous travaillez pas sur les ambiances de vie intérieure ou extérieure, vous pouvez créer des lieux de détention qui sont extrêmement violents de fait par l'architecture que vous produisez. Je suis intimement persuadée qu'il faut que nous recréions à l'intérieur du mur d'enceinte des repères urbains qui rappellent aussi ce qu'on a à l'extérieur. Donc recréer ce qui peut ressembler à des rues, à des places, tout en gérant la sûreté, puisque nos premières conceptions étaient sans doute trop centrées sur la sûreté et pas assez sur comment j'intègre dans la construction même les éléments de sûreté, des éléments qualitatifs, passifs, et pas seulement des grillages et des caméras. Donc nous sommes sur ce travail-là avec les architectes, il est assez fructueux. Nous allons livrer des établissements qui vont avoir des compositions, à mon avis, architecturales complètement différentes, où on peut avoir une cour qui ressemble à une cour, où vous pouvez effectivement vous l'approprier, y mettre un terrain de sport. C'est des choses comme ça très très concrètes sur lesquelles on est en train de travailler pour donner des ambiances plus apaisées. Centre de détention de Tahiti, extrait de la brochure de présentation. Tout au long du projet, l'insertion du centre de détention dans le paysage et le respect des équilibres écologiques ont fait l'objet de toutes les attentions. Le projet a été guidé par la création d'un cadre de vie respectueux de la dignité des personnes incarcérées et par la dédramatisation du cadre de détention. Alain Bretagnol, on est ici dans votre agence Architecture Studio. Vous avez commencé dans les années 2000 à construire des centres pénitentiaires, des prisons. Qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on se retrouve à faire une prison quand on est architecte? Parce que ça n'a rien de commun. Effectivement, c'est un sujet qui est assez complexe. On hérite d'un programme qui fait 400, 600 pages, qu'on digère, et qui, je dirais, définit les axes de fonctionnalité hein, qui sont propres à la doctrine pénitentiaire du moment. Cette doctrine évolue. Comme on a cassé le lien visuel direct entre les postes protégés, qui sont reliés par des caméras, etc., on peut en venir à un modèle spatial plus urbain. C'est des choses où on perce les murs, où on travaille sur la couleur, sur des lumières réfléchies, sur un espace qui ne ressemble pas à un cul de basse fosse, ou encore une fois qui rompt avec ce qui reste encore dans l'imaginaire social attaché aux images de la prison. Donc c'est effectivement travailler sur la lumière naturelle, sur la lisibilité des parcours. Il y a une chose qui est importante par exemple, c'est que jusqu'à présent, le statut d'espace public ne pouvait pas exister en prison puisque à chaque espace... Il y a une vision très fonctionnaliste, finalement. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Un process industriel où le détenu va du point A au point B, où il est bien vu, etc. Ou des espaces qui, à un moment donné, peuvent faciliter le lien social, la communication, avec, effectivement, des choses qui sont maîtrisées. Donc voilà, c'est un travail dans le détail, c'est un travail extrêmement fin, mais qu'on a conduit aussi dans le domaine de l'acoustique, dans le domaine des couleurs, dans le domaine des ambiances nocturnes. Ce qui doit être éclairé dans un établissement pénitentiaire la nuit, ce sont les façades des hébergements et le mur d'enceinte. La meilleure manière d'éclairer une façade, et la plus économique, c'est de planter un mât, de mettre un projecteur et d'éclairer frontalement la façade. La difficulté, c'est que de l'autre côté de la fenêtre, le détenu n'a pas le droit d'avoir de rideau. Enfin, tout au moins à cette époque, c'est en train d'évoluer. Et donc le rythme circadien, c'est-à-dire l'alternance biologique jour-nuit, qui est un élément important de l'équilibre du corps, est rompu et on finit par produire, je dirais, un inconfort et même des éléments de violence biologique. Donc avec Laurent Fachard, on est intervenu sur la construction lumineuse et on a inventé plusieurs choses. Là où on avait 50 lux de manière étale toute la nuit, quelles que soient les zones, quels que soient les secteurs, on a créé donc des systèmes de veille et des éléments sectoriels d'urgence en cas de détection d'incident. Deuxièmement, on a construit l'éclairage, construit les flux d'éclairage pour justement éviter les nuisances indirectes dans les cellules. Encore une fois, c'est une question de philosophie. Cette philosophie, si elle est tirée vers le haut, si elle est partagée, si elle est animée par un directeur qui a une vraie vision et encore une fois par un État qui prône plus la réinsertion que la garde, voilà, nous on crée des outils pour ça et la plupart du temps ça marche. C'est intéressant ces brochures parce qu'il y a toujours des interviews des architectes et on sent qu'ils se sont pris au jeu que mais si, ça va marcher quoi, ça va marcher... Il y a de la couleur, il y a de la lumière. Mais vous voyez, c'est vieux en fait. Hein, je crois que c'était en 86, on a ouvert une maison d'arrêt à Épinal, en Lorraine. Et l'architecte avait imaginé une rue centrale, donc vous voyez encore l'imaginaire de la ville, hein, une rue où les détenus pourraient se rencontrer, où il y aurait quelque part une petite société qui pourrait se recréer. Bon, en fait, la rue, elle est accessible qu'aux surveillants, quoi. Et en gros, s'il y a les détenus qui passent, ils sont là en transit et certainement pas pour rester, certainement pas pour flâner, certainement pas pour discuter. Donc, de fait, bon, pareil, on vous dit, bah, regardez, il y a différents quartiers, mais normalement, on reste dans son quartier. Ou alors, si on va au quartier disciplinaire, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, quoi. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une, et dans les plaquettes, et dans les interviews des architectes, et c'est normal, hein, il voit la prison dans son ensemble. Alors que le détenu, alors surtout en maison d'arrêt, hein, la majorité des prisons de France, il y reste, je sais pas, 22 heures sur 24 en cellule. Donc lui, la prison, c'est sa cellule et la promenade, la cellule, la promenade, la cellule, la promenade, la cellule, la promenade. Donc c'est pas du tout cette richesse spatiale que l'on retrouve à l'échelle de toute la prison. Ça, pas du tout. À Beauvais, le modèle est urbain. On a mis de côté le panoptisme, pas de plan radial, mais un plan éclaté qui ressemblerait à une ville. Nous sommes entrés sans avoir aucun contact avec les surveillants, autre que derrière une vitre, et tant que ça sonne, ça bip sous les portiques, on ne passe pas. Puis on chemine entre des pots de fleurs géants aux couleurs acidulées, comme promis sur les brochures, au milieu de ce design générique qui évoque aussi bien un hôtel Ibis, un EHPAD ou même une colo, ne seraient encore et toujours ces barbelés aux lames tranchantes. Là, vous voyez, on est sur ce qu'on appelle la place de l'établissement, avec autour de celle-ci trois grands bâtiments, qui sont les maisons d'arrêt hommes. Deux d'entre elles sont en régime classique. La troisième, la MH3, est en régime respect. C'est vers celle-ci que nous allons aller dans un premier temps. Et donc, on a franchi un certain nombre de grilles, comme toujours quand on arrive dans un centre pénitentiaire. On est en effet dans une sorte de place qui est un petit peu en hémicycle, dont on peut noter tout de suite qu'elle est quand même végétalisée, comme on dit aujourd'hui. Et en effet, cet hémicycle distribue à la fois des bâtiments de détention. Hein. On voit des cellules complètement classiques avec des barreaux, des caillebotis, les fameux yo-yo entre les cellules. Mais au premier plan, en effet, c'est un bâtiment avec écrit salle de spectacle, salle d'activité, salle multiculturelle, et donc quelque chose en fait qui ressemble, on sait que c'est la volonté aujourd'hui de l'administration pénitentiaire, qui ressemble presque à une place de village. Hein. Oui, d'ailleurs, on l'appelle la place. Bon, voilà. Donc une place entièrement fermée. Entièrement fermé, avec des grilles, c'est la différence avec un village. C'est vrai qu'on voit qu'on est en prison, mais c'est vrai que l'aspect végétalisé, le traitement espace vert des espaces extérieurs, donne quand même un côté un peu plus humain. Enfin, j'ai une chanson qui dit « There's no green grass in US State Prison ». Et là, il y a de l'herbe, il y a des arbres, il y a de la végétalisation. Ce qui d'ailleurs passe en poser les difficultés d'entretien pour le partenaire privé, parce que c'est pas quelque chose auquel nous sommes habitués, mais c'est quelque chose qui est plus sympathique que dans d'autres prisons qui sont quand même plus minérales dans l'aspect. Et donc c'est ce lieu où on vient d'arriver, on entendait surtout les poubelles et le vent est en train de monter, là. Le niveau sonore est en train de monter parce qu'évidemment les bâtiments, les cellules donnent sur cette place centrale et notre présence n'est pas anodine. En fait, si vous regardez le plan d'une prison contemporaine, c'est vrai que la sécurité périmétrique, donc la sécurité qui est autour de la prison, elle est extrêmement performante. Donc si vous voulez, vous avez un mouvement pour pénétrer dans la prison qui est extrêmement sûr, extrêmement contrôlé. Donc cette sécurité périmétrique est vraiment remarquable, enfin en tout cas très efficiente pour séparer. À l'intérieur des murs, vous avez encore des sortes de poupées gigognes, si vous voulez. Donc, la cellule est vraiment une prison dans la prison, c'est-à-dire la cellule elle-même est sécurisée, qui est dans une aile qui est sécurisée, qui est dans un bâtiment qui est sécurisé, qui est dans la zone de détention qui est sécurisée. Et après, on rentre dans la zone hors détention, mais qui est toujours dans les murs, hein, dans cette sécurité périmétrique. Donc, si vous voulez, les architectes disent c'est un peu comme le système des portes coupe-feu. C'est-à-dire, en cas d'incendie, comprendre d'émeute, on doit pouvoir fractionner l'espace immédiatement, comme des portes coupe-feu qui d'un coup circonscrivent et partitionnent l'espace de manière extrêmement fine. Mais après, quand on regarde les plans des prisons contemporaines, vous allez voir des salles de classe, des infirmeries, des salles de sport, vous allez voir aussi des parloirs, bien sûr, pour accueillir les familles. Donc, si vous voulez, quand on regarde les prisons contemporaines, on pourrait se dire, si on réussit la réinsertion, puisqu'on va avoir des salles de classe, et donc c'est un lien avec le monde scolaire, une infirmerie, et un lien avec le monde médical. Donc, si vous voulez, vous allez avoir dans ces petits espaces des expériences qui ne vous réduisent pas à la condition de détenu, mais vous allez avoir quantité d'effets qui pervertissent ces dispositifs de réinsertion. Et juste pour revenir sur cet aspect mini-ville, en gros, l'idée qu'il y avait derrière, c'était il faut qu'il y ait des conditions à l'intérieur de la prison qui ressemblent le plus possible aux conditions de l'extérieur. Donc essayer de limiter au maximum cette séparation. Sauf que on maintient malgré tout cette séparation des sexes, des âges, cette interdiction de se promener, puisque en prison, si on se déplace, c'est qu'il y a une fonction, quoi. C'est pas comme en ville où on peut passer le temps dehors comme ça. Donc si vous voulez, vous avez un effet très paradoxal. C'est une architecture qui concentre des populations, mais qui en même temps fabrique de la solitude. En régime respect, aucun aménagement architectural particulier. Mais pas de grille, ou nettement moins. Les cellules sont ouvertes, les détenus circulent. Respect pour respect de certaines règles. Sans quoi, des mauvais points, des moins un, on dit ici. Vous pouvez venir une minute ? Donc Frédéric Piotrovia, qui est l'adjoint à l'officier, mais fait l'officière, du régime, de la MH3 du régime respect. Est-ce que vous pourrez les amener dans les étages ? Moi, je vais amasser les dés, je vous rejoins ensuite. Voilà. Très bien. Ça vous va ? Parfait. Très bien. Merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Venez deux minutes, le temps qu'on fasse le mouvement. Donc, on va parler. Départ 3-4, départ 3-4. Donc, voilà. Donc, tous les appels se font par micro. Tous les mouvements du bâtiment. Donc, les promenades, les activités, les fermetures, les ouvertures. Vous allez voir comment ça se déroule. Ça évite d'aller taper à toutes les cellules, quoi, concrètement. Concrètement, même pas. On n'a même pas tapé, puisque la cellule est ouverte. Donc, ils sont autonomes. Puisqu'on est en régime respect. Donc, forcément, ils se déplacent. La plupart, ils regardent. Oh, je suis prêt. Chef promenade, et puis ils y vont. OK. C'est quoi ? C'est le régime respect ? C'est une forme de prison ouverte ? En fin de compte, on revient sur des bases à la base. De respect de la personne déjà. Donc on lui dit, écoute, tu as la clé, mais tu dois respecter ton comportement en détention. Quand tu restes respectueux, tu es poli, tu respectes ton hygiène corporelle, l'hygiène de ta cellule. Voilà. On leur apprend les bases, qu'ils ont perdu ou qu'ils n'ont pas. Donc voilà. Et en contrepartie, c'est ouvert. Voilà. Rien que ça déjà, c'est fabuleux pour eux. Ceux qui sont exclus pour des moins un, où on trouve de la drogue ou quoi que ce soit, ils font un peu la gueule. Montez, messieurs, montez. Merci. Je vais prendre une tour là. C'est calme. Donc on vient d'arriver au premier étage. C'est un grand couloir avec combien de cellules dans ce couloir ? 51. 51 cellules. En effet, des nefs de chaque côté, ce qui permet de voir le deuxième étage et donc un troisième étage aussi, c'est ça ? C'est ça. Et les cellules sont ouvertes. Voilà, c'est ça. Et on voit les détenus dans le couloir, devant leurs cellules. En fin de compte, ils ont... l'obligation de ne pas traîner sur la coursive pour éviter l'attroupement, le brouhaha. Donc ils peuvent se déplacer d'une cellule à une autre. Au maximum, c'est 3. Voilà. Ils se promènent pas en short, en claquette, ils fument pas sur la coursive. Voilà. Ils ont des règles à respecter. Si ils ne tiennent pas, forcément, c'est des moins 1. Donc l'agent, il note et moins 1. Et les avertit. Qu'est-ce que, de votre point de vue, ça apporte ? Le calme. Ça paraît pas, mais rien que le fait que c'est ouvert, ça apporte déjà une relation différente avec le surveillant. Surveillant qui, peut-être on peut le dire, est quand même dans son petit bureau vitré. Hein, on est quand même dans un mobilier classique. Et la porte est ouverte. Le détenu a la possibilité d'aller voir à tout moment le surveillant pour telle ou telle question ou régler tel ou tel problème. Donc voilà. La relation est totalement différente. Il y a moins d'agressions, mais il y a moins de conflits. Voilà. Ne traînez pas sur la coursive, messieurs! Si vous voulez. Vous voulez? Attendez. Oui, là, on vient d'entendre le bruit très caractéristique du sondage des barreaux. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Donc, en fin de compte, le surveillant tape avec une barre en métallique sur les barreaux pour voir s'ils ne sont pas sciés. Tous les jours? Tous les jours. Voilà, tout à fait. Ça ne change pas. Tous les après-midi. Et ça ne change pas. Voilà. Une question ou deux ou trois pour moi? Oui, bonjour. Bonjour. Alors là, on est sur la coursive, premier étage, oui, du régime respect. On n'est pas venu vous voir dans une cellule. Effectivement. Et qu'est-ce que ça change d'être dans cette prison, dans les cellules? Activité premier, deuxième. D'être dans une prison dont les cellules sont ouvertes. Plus de fluidité, plus de mobilité. Je pense que c'est quand même plus agréable. On n'a pas l'impression d'être enfermé 24 sur 24. En bâtiment fermé, c'est une heure ou fois deux dans la journée, donc ça fait un truc comme 22 heures sur 24. Enfermé, donc c'est compliqué, il faut pouvoir supporter son collègue, il faut pouvoir supporter l'autorité, beaucoup plus je pense. C'est beaucoup plus prenant quand même. Quand les cellules sont ouvertes, c'est plus de liberté. Il y a quand même une contrepartie. Elle est lourde cette contrepartie, elle consiste en quoi d'abord? Faire son lit, ça c'est la base. Il y a les horaires de fermeture des cellules. Il y a le nettoyage de la coursive. Ah si, il y a aussi 25 heures obligatoires de participation aux activités en tout genre. Je pense que c'est pour empêcher les gens de déprimer ou de rester enfermés en cellule, tout simplement. Si vous voulez des trois types d'activités, il y a psychologue, il y a café psycho, il y a café philo, il y a musculation, il y a ping-pong et on peut jouer aux cartes aussi. Vous faites de la muscu? Non, effectivement, vous avez bien vu. Il y a un double intérêt en fait, parce que en faisant un maximum d'activité, on peut avoir un maximum d'RPS. Donc concrètement, moi, non, je ne fais pas que de la musculation. Je fais RPS, c'est donc remise de peine. Ici, on est dans un environnement flambant neuf. Voilà, le sol est un peu luisant, gris. Les cellules ont des portes colorées. Il y a du orange, du vert. Qu'est-ce que ça change, ça? Est-ce que ce sont des détails ou c'est important? Je pense qu'évidemment, ouais, ça joue, les couleurs, c'est important. C'est quand même plus vivable, c'est plus agréable. C'est comme une maison, je pense. On la meuble, on met des couleurs. C'est important pour l'état d'esprit, pour la tranquillité d'esprit. Je pense, après, c'est une réponse personnelle. Je ne sais pas si tout le monde partage ça. Mais je pense quand même que concrètement, ça joue quand même. Le fait d'être un minimum coloré, c'est plus vivable quand même. Et en même temps, voilà, on n'arrête pas de dire on va réinsérer les gens, il faut qu'ils aient des meilleures conditions, etc. Vous avez l'impression que vous, des bâtiments neufs comme ça, et un régime comme celui-là, le régime respect, c'est plus facile, ça a quelque chose à voir avec la préparation de la sortie, ou au fond, pas tellement, et non, on purge sa paix? Je pense pas que ça ait une grande influence, là, franchement. C'est une manière de tranquilliser les gens, je pense. Je pense pas qu'il y ait une réelle incidence. Après, c'est que mon point de vue, je sais pas, hein, franchement. Je sais pas le recul suffisant pour vous répondre. S'il vous plaît, je peux être en musculation vu que j'étais un peu retardé, s'il vous plaît. Pas de musculation, tu places. Ah bah c'est ça, mais tu es une star, hein, mon gars. Ah voilà. Ah, je suis pas une star. Ah, j'ai choisi de l'être interprété. C'était un direct ou... Nous, on vient du 93, lundi, on connaît pas tout ça. 93, lundi, on connaît pas tout ça. Bon, ici, je vous explique, il y a un peu partout, il y a 9-5, Argentin, il y a 9-3, C'était Dessine-moi une prison. Merci à Olivier Millot, Elsa Besson, Aline Fick, Mario Gouzeau, Alain Cangina, Christopher d'Orangeville, Marilus Bouston, Alain Bretagnol, Christophe Loy, Frédéric Piotroviac, ainsi qu'à Colombe Babinet et aux détenus du centre pénitentiaire de Beauvais. Prise de son Benjamin Chauvin, Benjamin Thuot, Raymond Allou, voilà, mixage Claire Levasseur, réalisation Guillaume Baldi, un documentaire de Camille Jusa. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Ah bah oui, hein.